dire, pour honorer les jeunes de l'école secondaire des Chutes qui se sont distingués durant l'année, un galant à vocation sportive, on en parle avec Jocelyn Gagné. Salut Jocelyn. Salut, Jocelyn, si on parlait maintenant de ce gala-là, je pense que c'est important pour les jeunes, hein? Oui, c'est plus qu'important. Ça couronne notre saison, notre année de travail dans différents sports. Parce qu'à l'école secondaire des Chutes, si on fait le tour rapidement, on a eu du badminton, du volleyball féminin. C'est filles, secondaire 1, secondaire 2. On a deux équipes, une équipe de relais et une équipe d'élite. On a eu du football. OK. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est les juges qui dévoilent? Comment ça fonctionne pour déterminer les gagnants? Ça va-tu au mérite? Ça va-tu à la performance où tout le monde est gagnant, quoi? On souligne l'excellence. Moi, comme entraîneur en cross-country et en athlétisme, c'est moi qui vais aller chercher les meilleurs éléments. Donc, on va chercher mon meilleur élément, la personne qui a donné le meilleur rendement au niveau course à pied, soit en cross-country, athlétisme extérieur ou intérieur. Et en même temps, on souligne aussi la relève. C'est qui l'année prochaine qui devrait être notre meilleur? Je souligne toujours la relève qui est souvent un jeune de secondaire. OK. Ça, c'est dans mon cours. En fait, moi, le concentré de l'athlétisme, M. Dominique Blain, qui était le coach à badminton, m'a donné ses meilleurs athlètes en badminton, féminin et masculin, ainsi que sa relève. Les coachs de football ont fait la même chose, joueur défensif par excellence, joueur défensif. La relève au niveau offensif et défensif. Et mes deux coachs de volleyball ont fait de même pour les filles. Okay. En plus, chaque coach souvent me déterminait ou m'admet des noms, genre esprit d'équipe ou éthique de travail. Puis moi, avec M. Sigon, on se consulte et on va le dire, c'est quel élève qui avait la meilleure éthique de travail dans son sport ou aussi à l'école. Puis on tient compte, naturellement, on tient compte du comportement. Moi, j'ai toujours dit qu'un athlète se présente bien sur un terrain, sur une patinoire ou sur un plateau, mais il devrait avoir un comportement quand même, un bon comportement à l'extérieur. Je ne mettrai jamais en nomination un athlète qui a une mauvaise image, une mauvaise influence. Okay. Moi, je pense que c'est ma philosophie. Je peux me tromper. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ben, je suis parfaitement d'accord. Des fois, il y en a qui ont plus de difficultés. C'est la même affaire au niveau académique aussi. Plus de difficultés, mais ils travaillent fort. Donc, je pense qu'il y a autant de mérite. Il y a des 70 qui ont plus de mérite que des 90 à l'école. C'est la même affaire dans le sport, là. Oui, c'est la même chose. Si on fait un topo rapide de notre saison, ouais. On est quand même 60 personnes en course country. On a classé 7 pour le provincial. Oh. On a des bons rendements au niveau provincial. En volleyball, on a deux équipes. Notre équipe de relais va terminer 4e ou 3e dans la division 2. Puis notre équipe élite a fini finaliste au régional. Ils ont terminé deuxième, donc ils n'ont pas été très près d'aller au provincial. En badminton, on a envoyé Kim Grimard pour la deuxième année, qui est en même temps notre athlète par excellence féminine. Okay. La deuxième année en badminton qui a terminé 6e cette année. Puis on a eu deux autres équipes en mix qui est allée au provincial, qui est très bon comme classement. Puis en athlétisme intérieur, on a fait ça qui a quand même bien été. Notre école a fini premier au niveau Benjamin. Puis en athlétisme extérieur, qui a lieu au mois de mai. Puis le championnat provincial qui vient d'avoir lieu. On a envoyé 7 athlètes au niveau provincial, dont une médaille de bronze, Anne-Émilie Tremblay dans le lancer du bois. Ben. Une quatrième place, Elisabeth Nord. Donc des bonnes performances. Je pense que dans l'ensemble, on est un peu. On est bon dans plusieurs disciplines. On développe. On est une petite école. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça a toujours été ça, l'école secondaire des Chutes, Jocelyn. Je me rappelle de mon temps, il y avait. C'était Yvon Massicotte, c'était Georges Chimard. C'était vraiment, le sport était vraiment là, prioritaire. Je pense que ça continue avec toi. Là. Je pense que le cœur de l'école. Et Danny Dufour aussi. Danny Dufour qui met beaucoup d'efforts avec son équipe de football. Ça, c'est un petit peu les Carcajoux, c'est un peu le bébé à Danny Dufour. Là. Danny, c'est son dada qui ouais. Avec un beau comité. L'équipe de football était très performante. Ça a commencé. C'était le premier challenge avec une victoire, 3 défaites. Deuxième challenge, 2-2. Puis ils ont allé chercher la division 2B. Donc, ils étaient classés 5e. Puis ils sont allés chercher la bannière en division 2B. Au dernier challenge, ils n'ont eu aucune défaite. Ils ont eu une partie nulle. Donc, c'est excellent. Notre équipe a bien figuré. On a des coachs de qualité, là. Ouais. On réussit à trouver des bons coachs. Steven Girard, c'est quand même fort parce que le football est vraiment là, en pente descendante en raison de toute l'histoire de commotion cérébrale. C'est très difficile de recruter. Puis de voir que les Carcajou continuent à bien aller, ben, puis ça crée un sentiment d'appartenance à l'école aussi. Là. Ça, c'est certain qu'il y en a qui auront de venir voir chez nous au football. La seule ombre au tableau qu'on a présentement, c'est positif et c'est négatif, c'est qu'on perd beaucoup de jeunes au niveau de l'Allemagne. Ah, ok, oui, oui. D'Allemagne. Et au niveau de la communauté scolaire, on perd à peu près une quarantaine de jeunes. Le sport-étude qu'on appelle, là. Le sport-étude qu'on appelle, là. Ben oui, puis les jeunes, c'est normalement, c'est... Si tu te souviens, à l'époque, c'était tout le monde, les jeunes de football allaient en Beauce. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est que on est en train de perdre nos meilleures voies. Donc, tranquillement, c'est dur de se faire des équipes juvéniles cadettes de compétition. Mm. Les jeunes ont fait du benjamin, puis ça arrête après. Donc, tranquillement, le football est malade. Il est en train de se remonter. On a eu une saison de benjamin au niveau de challenge. C'est pour ça qu'ils font des challenges ouais. dans une saison. Okay. On a eu une saison, on a eu tout en bout de challenge. Les benjamins se reprennent en main. Ça va bien. Mais si on se fait tout drainer nos meilleures voies, puis au détriment d'autres équipes, c'est ça qui est plate. Mm. Puis je comprends en même temps le jeune qui s'en va dans le sport de tir dans le monde. Ben oui. Concentration avec un meilleur rencontre, pas un meilleur rencontre, avec des meilleurs joueurs. Je le comprends, tu sais, je fais la part des choses. C'est un entraîneur, je sais que le jeune, c'est payant. Mais d'un bord, est-ce qu'on est capable d'offrir de quoi pour compenser ça? Il y a quand même, Jocelyn. Faut comprendre les jeunes. À l'époque, ils s'exilaient en Beauce. Ça a quand même donné des résultats. Shane Gauthier va être assurément un choix repêchage des Canadiens et un très haut choix l'an prochain. Oui. Alexandre Labbé, qui est un autre beau prospect, je sais pas si ça dit quelque chose. Lui, il a arrêté par contre. Mais Alexandre, ça avait le talent. Moi, je me rappelle qu'un dépisteur avait dit, il a le talent pour jouer dans les Canadiens de football aussi. Donc, t'aurais eu deux joueurs, là. Puis, je suis pas sûr que ces deux joueurs-là, auraient été aussi loin s'ils auraient resté ici, là. Moi, ça, t'as pas tort. Le développement, ouais. Je sais pas si elle aurait resté ici, elle aurait passé par le cégep ou celui du collégial, ouais. De passer à l'Université Laval. Je sais pas, on peut pas dire. Sauf que ce que ça va créer, c'est que, si mettons, t'as envoyé tous tes meilleurs à Allemagne faire des grosses décisions, c'est qu'il est bon. C'est que si tu présentes les équipes qui drainent, qui envoient les équipes, c'est là que les talents. Tu sais, j'ai une discussion avec un coach allemand, puis une discussion qui est choquante parce qu'il me dit, on prend pas les meilleurs rôles. On vous vole pas vos meilleurs rôles. C'est drôle, là. Tu parles de ça, c'est drôle, mais meilleur. Tu sais, dans le fond, on a perdu un gars comme Alexandre Voisine, qui est rendu à l'époque. William Saint-Pierre. C'est pas mes meilleurs voix. Mais non, c'est clair. Jocelyn, puisque tu es président également du club du Mille du secteur de Dolbeau, Alexandre Bussière, c'était été son premier entraîneur. Ça va bien. J'y parle régulièrement, Alexandre. Alex Bussière. Oui. Comment tu te trouves? Ça va bien? Ben, je pense que présentement, il est sur une bonne lancée. Il y a eu deux années difficiles. Ouais. Mais c'est normal. Ouais, ouais. Adaptation. On ne peut pas tout le temps performer. On le voit dans le domaine du hockey, on le voit dans différents domaines. Présentement, il a commencé une saison très, très fort en Californie avec des bons talents. Ouais. Il a tout à côté ses meilleures performances. Il vient de connaître une grosse course à Halifax. Il a terminé. Oui, il est premier. Pas quel rang. Ouais, ben deuxième. Deuxième. Deuxième. Ouais. Mais la course était très froide. Deux années. Il a fait 1,50 et des pilotes. Il a battu trois Olympiens, trois personnes qui étaient allées aux Olympiques. Donc, c'est une course très stratégique. Là, il commence à. Mentalement, il commence à être fort. Moi, je prétends que cette année, il devrait donner une grosse saison, puis les deux prochaines années, il devrait comme exploser. Là, maintenant, il est dû pour une explosion d'aller faire une 40, une 42 sur 800 mètres, en bas de 350 sur son 1500 mètres. Il est dû. Ouais, effectivement. Il rentre bien. Jocelyn, un gros merci, puis on se reparle quelque part dans l'été. Jocelyn Gagné, le professeur d'éducation physique à l'École secondaire des Jeunes.